Faut-il autant aimer la vie que les gens sont si mauvais? Faut-il pourtant avoir des amis? Ils finiront par te blesser. Mais les années ont passé. Croyez tant vers la bonté, mais trop de haine sur cette terre. Trouvez un moyen pour l'évacuer. Les gens se tirent dans les pattes. Y a des suicides à tour de bras. Business et le pétrole et la peur d'être jeté. Nous on tient en l'espace un certain confort, un besoin d'argent pour exister, faire penser que l'on est libre. Encore une fois, on va voter. Et tout est déjà calculé. Comment il faut nous arnaquer? Et on fait ça aux animaux. Parquer dans des prés, par troupeau, ne sait il pour nous. Oh, on est un berger pour nous guider, entrer le soir en son. Sauf que nous séparpillons, on légère avantage, on mélange un peu les races pour nous vendre sur les marchés, et il y a toujours une administration. De la drogue, rose, c'est mon genre, je dois prier. rester. Pour tout détruit et terminé. Pour tout détruit et terminé. Alors j'espère que ce matin, j'espère que ce matin, la pluie va tout laver. Ce dernier siècle, du plus ce dernier siècle, il nous faut des millions d'années, il nous faut des millions d'années pour réparer. C'est pas le confort, c'est pas le confort. Aimer la vie, que les gens sont si mauvais, faut-il pourtant avoir des amis qu'ils finiront par te blesser. Cafard que j'ai, un peu d'espoir pour y arriver. Chercher. Caché derrière le diable, cherche-t-il là au business, au caché, au-t-il là. Cache-le d'ici, sans t'y apprendre.